بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد بإذن الله تبارك وتعالى فنواصل في كتاب فضل رب البرية بشرح برر البهية وأصل الكتاب للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله رحمة واسعة بشرح فضيلة الشيخ علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى. Donc nous continuons dans l'explication du livre الدرر البهية de l'imam Shawkani Rahimahullah, Rahmatan Wasya. Avec l'explication du Cheikh Ali Ramli, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui préserve. Donc nous sommes rentrés dans le bab du Wudu. Bab al-Wudu. Et nous avons vu la définition de al-Wudu, qui veut dire al-Wada'a. C'est-à-dire la propriété, la pureté. Et nous avons vu le jugement du wudu, de l'ablution. L'ablution est une condition de la prière. Celui qui prie sans ablution, sa prière est nulle. Nous avons montré cela et le consensus des savants à ce sujet. Et ensuite, nous avons parlé également de l'ablution, la tasmiya, le fait de dire bismillah. Et nous avons montré que ce n'est pas une obligation de dire bismillah avant de prendre les ablutions. L'imam Ahmad Rahimahullah, il dit qu'il ne connaît aucun hadith authentique sur ce sujet-là. Et les hadiths qui viennent à ce sujet-là ne sont pas des hadiths qui sont authentiques. Donc, le fait de dire bismillah avant de prendre les ablutions reste chez certains savants comme une innovation. Parce qu'il n'y a pas de test. Ce dont il n'y a pas de test, lorsqu'on vient avec, c'est comme on ajoute quelque chose dans l'adoration qui n'a pas existé. Et c'est ce sur quoi est le Cheikh Ali Ramli. Ensuite, nous avons parlé de la madmada. Le fait de mettre l'eau dans la bouche lorsqu'on prend les ablutions, après avoir lavé les deux mains, on met l'eau dans la bouche et puis le nez. Nous avons parlé de son caractère obligatoire. Est-ce que c'est obligatoire? Alors, avec les tests que nous avons vus, ce n'est pas obligatoire de faire la madmada et puis le istinshaq. Si on se base même sur le verset de Surat al-Ma'ida, Allah dit « Farsilu wujuhakum » « Lavez vos visages ». Et le sens même du visage dans la langue arabe, c'est « Mahasara bihi al-muwajaha » c'est ce qu'on voit en face. Ce qu'on voit en face. Donc, le nez de l'extérieur fait partie du visage. Mais est-ce que de l'intérieur, ça fait partie du visage? Le fait de faire entrer l'eau dans le nez, à l'intérieur, ou bien la bouche, l'intérieur de la bouche, est-ce que ça fait partie du visage? Alors, ça ne fait pas partie du visage, dans la définition même du visage, dans la langue arabe. Donc, les dalils qui sont venus à ce sujet montrent le caractère préférable, pas le caractère obligatoire. Parce que lorsqu'on dit que c'est obligatoire, alors celui qui ne prend pas, yannick qui ne fait pas la madmada, son ablution est nulle. Alors qu'on ne peut pas annuler l'adoration des gens sans preuve. Sans preuve authentique. Mafoum. Ensuite, on a parlé des deux mains jusqu'au coude. Des deux mains jusqu'au coude. Et nous avons dit que laver les deux mains, les deux coudes font partie des deux mains. On ne lave pas jusqu'à la limite les deux côtes. Mais les deux côtes font partie des deux mains. Donc il faut laver forcément les deux côtes avec les preuves que nous avons vues. Donc aujourd'hui nous allons commencer sur la parole de l'imam Shaukani après avoir lavé les deux mains jusqu'aux deux côtes. Summa yamsahu ra'sahu. Ensuite, il essuie sa tête. Wa hadha aydan min arkan al-wudu. Le fait d'essuyer la tête fait partie des pliés de l'ablution. C'est-à-dire, celui qui oublie d'essuyer la tête, son ablution est nulle, est barté. Mafoum? Ça fait partie des pliés de l'ablution. Wala khilafa fi wujubi. La khilafa. Il n'y a pas de divergence sur son caractère obligatoire. Pourquoi? Parce que ça fait partie du verset. Allah dit wamsahu bi ru'usikum. Essuyez vos têtes. Donc essuyer la tête est une obligation, un plié de l'ablution. Donc mais le khilaf qui vient sur ce sujet-là, sur le fait d'essuyer la tête, la divergence est sur deux choses. La première des choses, est-ce qu'on essuie toute la tête ou bien on essuie une partie de la tête? Voilà la divergence. Donc cette divergence, d'abord, avant de revenir sur la divergence, on dit rasu, la tête, huwa mashtamala alayhi manabitu shi'ar al-mu'tad. La tête, c'est ce qui implique là où les cheveux poussent. C'est-à-dire, partout où les cheveux poussent, c'est ce qu'on appelle la tête. De façon normale, hein. Là où les cheveux poussent. Non. Qu'Allah facilite. Donc voici la tête. Wali ta'rifat al-daqiqa. Voici la définition qui est fine. Tousiluka ila ma'rifat al-wajib bisuhula. Ça va te mener à connaître l'obligation avec facilité. C'est-à-dire, si maintenant tu sais, partout les cheveux poussent, c'est ce qu'on appelle la tête. Ça va? C'est ce qu'on appelle ras. Donc, en ce moment, maintenant, tu sauras là où tu dois essuyer. N'est-ce pas? Alil wajib, est-ce que l'obligation c'est masu jami ras, am masu ba'dihi? D'essuyer toute la tête ou bien d'essuyer une partie de la tête. اختلف أهل العلم في ذلك. Les savants se sont divergés à ce sujet. Mais le sabab al-khilaf, la cause de la divergence, هو اختلافهم في فهم آية. C'est la divergence dans la compréhension du verset. وامسحوا برؤوسكم. Il y a d'autres qui disent le bi, ça veut dire بعضي رؤوسكم. أهل اللغة. Ça va? Les gens de la langue arabe, le ba qui est là, ça veut dire aussi souvent tabaidiya. Ça veut dire ba di ru'usikum. C'est une partie de la tête. Ça va? Il y a d'autres aussi qui disent le ba ici est za'ida. C'est un ba qui est ajouté seulement. Il y a d'autres qui disent c'est un ba qui est juste collé. El saq. Ça va? Donc ici, le cheikh Ali Ramli dit al-ayatu tahtamil hadha wa hadha. Le verset peut prendre le sens de l'autre et de l'autre. Ala kulli hal. Wa ma sunna. Mais quant à la sunna, c'est la sunna maintenant qui va nous départager. N'est-ce pas? Chacun peut essayer de comprendre selon la langue arabe dans le verset. Mais quant à la sunna, falam yasbut. Il n'y a pas un hadith qui est venu de façon authentique. An an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu masaha ba'd ra'si, qu'il a essuyé certaines parties de sa tête. C'est-à-dire, essuyer une partie seulement. Ça va? Comme une personne, il peut prendre sa main, ça va? Comme ça, il met ici, et puis il essuie. C'est-à-dire, il met les bouts de la main sur la tête. Ça, c'est une partie de la tête. Mais quand il met tous les deux paumes sur la tête, comme ça, ça va? Il monte et il descend, il a essuyé toute la tête. Mais d'autres peuvent prendre les points du doigt, pour essayer d'essuyer. Ça va? Est-ce qu'ils ont essuyé toute la tête? Ils n'ont pas essuyé toute la tête. Voilà d'où ma foule. Donc, ils se sont divergés à ce sujet, mais dans la sunna, il n'y a aucun hadith qui est venu de façon authentique que le messager d'Allah sur la sallam a essuyé, c'est-à-dire une partie de sa tête pour laisser les autres, il la sauf avec la imama. La imama, c'est qu'on enrôle sur la tête. Ça va? La imama, souvent quand il essuie la imama, il soulève, hein, un peu. Ce qu'on appelle, dans la langue arabe, an-nasiba. Hein, ce qui est au bout ici. Ça va? À partir du front. Il soulevait la imama un peu. Et puis il essuyait cette partie. Et puis il essuyait la imama. Ça va? Donc, ça, ça a été authentifié du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa sahha an ibn Omar al-iktifa ou bimasri ba'da ras. Mais, c'est venu de façon authentique de Ibn Omar qu'il a essuyé une partie de sa tête. Alors que tout le monde connaît Ibn Omar. C'est celui dont les compagnons disaient qu'il suivait pas à pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Ibn Omar a essuyé une partie de sa tête. Qu'allahu Ibn Munzir wa ghayri. L'imam Ibn Munzir a mentionné cela et autre que les imams. Lakin walam yasihu an ahadis sahaba inkar zalik. Aucun compagnon, ce n'est venu d'aucun compagnon qu'ils ont déprécié, c'est-à-dire ils ont été en désaccord avec ce qu'Ibn Omar a fait. On appelle cela ijma al-sukuti. C'est-à-dire, c'est le consensus silencieux des compagnons. Le consensus silencieux, c'est quoi? Le fait que un compagnon fasse quelque chose, ou bien dise quelque chose, et aucun compagnon ne s'est opposé à ce qu'il a dit. Ça va? Le fait que aucun compagnon ne s'est opposé, cela montre qu'il est ce qui est exact. Parce que le compagnon ne peut pas le voir dans l'erreur. C'est pas comme nous aujourd'hui. Hein? Ne peut pas le voir dans l'erreur et ils vont se taire. Mais nous, aujourd'hui, on voit les gens dans l'erreur. Et puis bon, on dit non, si on parle, en tout cas, ça va créer la fitna. On préfère garder les gens dans les erreurs de préserver notre entente entre nous. Mais à l'époque des compagnons, des tabi'in, ils ne se taisaient pas. Donc, si aucun compagnon n'a déprécié cela, ça montre que Ibn Omar, il s'est basé sur une preuve pour le faire. Ça va? Qalahu Ibn Hazm. Ibn Hazm aussi a mentionné cela dans son kitab Al-Muhal. Muhal, qui est le kitab d'Ibn Hazm. Ibn Hazm, c'est un savant de l'islam, parmi les savants de l'islam. Ibn Hazm, il a un livre qu'on appelle Al-Muhal. C'est un livre qui traite beaucoup, beaucoup les sujets de fiqh. Mais les savants ne conseillent pas aux débutants de lire les livres d'Ibn Hazm. Parce que Ibn Hazm, il a souvent des excès dans ses livres. Il a souvent des excès. Et souvent, il rentre dans les masail, chasse des masail qui sont très, très isolés. Et aussi, il n'a pas le, comme le dit Cheikh Albani, il n'a pas le adab, souvent avec ceux qui l'ont précédé. C'est-à-dire, il frappe fort, Ibn Hazm. Mais c'est un savant de l'islam. Il faut souvent aussi considérer ses propos. Ibn Hazm, c'est un savant qui a des paroles shawaz, des paroles qui sont très isolées. Et beaucoup de personnes, des gens de passion, ils se basent souvent sur les paroles d'Ibn Hazm pour défendre leur passion. Tel que le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Sayati, il viendra de ma communauté, les gens qui vont autoriser Yastahilluna al-Hurra wal-Harir. Ils vont autoriser la zina, wal-Khamr wal-Ma'azif. Et ils vont autoriser aussi le vin et les instruments de musique. Donc les savants se sont basés sur ce hadith pour dire que le hadith, ici, l'instrument de musique, est haram. Comme ça vient aussi dans certains ta'ouls du Coran, Ça va? Au sujet des Shoara, ainsi de suite, par Ibn Abbas et d'autres. Il n'y a aucun doute sur l'interdiction de la musique en islam. Mais les innovateurs, ils s'accrochent sur cette parole d'Ibn Hazm, où il dit que ce hadith n'est pas authentique. Et ils disent que Ibn Hazm même dit que le hadith n'est pas authentique. Hein? Il est seul à dire que ce n'est pas authentique. Mais Cheikh Albani dit à ce sujet que le fait qu'il ait dit que ce n'est pas authentique montre même l'ignorance d'Ibn Hazm dans la science du hadith. Parce qu'en réalité, le hadith est authentique. Ça va? Le hadith est authentique. Wa ajma'al ulama ala hadha. Les savants sont unanimes sur l'authenticité des hadiths qui montrent que les instruments de musique sont interdits. Mais Ibn Hazm, il est le seul à dire cette parole-là. Je vous donne encore un exemple concernant les jeunes de Ashura. Ibn Hazm, il a fait un istidlal où il a dit que les jeunes de Ashura, c'est pas le 10e jour, mais c'est le 9e jour. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit va in ishtu ila qabil, si je vis jusqu'à l'année prochaine, la summana tasih, je vais jeûner le 9e. Donc Ibn Hazm automatiquement lui il a compris que on jeûne plus le 10e, on jeûne le 9e. Hein? Ibn Hazm Zahiri. Non. Lui prend les tests comme ça. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire que je vais contredire les juifs et les chrétiens en jeûnant le 9e et le 10e. Donc, c'était juste une parenthèse à propos d'Ibn Hazm. Les savants ne conseillent pas à un débutant de lire ses livres. Les gens qui suivent généralement les passions, quand ils tombent sur les livres d'Ibn Hazm, subhanallah, tu commences à suivre ta passion. Ibn Hazm, chez lui, il a des masailles très gharibes. Tel que, par exemple, la nudité chez Ibn Hazm, c'est quoi? La nudité d'un homme, nous on connaît, c'est à partir du genou jusqu'au nombril. Mais Ibn Hazm dit, tu attaches ton sexe et tu bouges ton anus. Tu peux marcher dans la rue. La Moussa, qu'Allah nous préserve et qu'il nous guisse enfin sur le droit chemin. Mais en réalité, c'est le massage, c'est Takrir le massage. Puisque lui, il ne voit pas que les hadiths qui ont été apportés soient vraiment des hadiths à considérer. Donc c'est juste une parenthèse concernant Ibn Hazm. Revenons à notre masala. Notre masala c'est quoi? C'est le sillage de la tête. Ça va? Donc ici, Ibn Omar, il a essayé une partie. Il n'a pas essayé tout. Et aucun compagnon n'a dit le contraire. Ça va? Fabibina al-Azali Kanakul. Donc si on se conçut, on se base maintenant sur ce qu'Ibn Omar a fait. On dit quoi? Yujizi'u, c'est permis, masouba de ras, de suyer certaines parties de la tête, pas tout. N'est-ce pas? Wal ahwat, mais ce qui est mieux, ta'mimul mas, c'est de suyer toute la tête. Ça va? Tu prends tes deux paumes, tu déposes sur ta tête, et puis tu essuies, tu vas derrière, puis tu reviens en avant. Mais s'il arrive qu'une personne n'arrive pas à faire, ou bien souvent il essuie une partie, comme on a dit, avec les bouts, là-bas ça dit. Parce que Ibn Omar a fait. Mais si Ibn Omar a fait, c'est que ça montre que la preuve est claire dessus. N'est-ce pas? Qu'Allah nous accorde la compréhension. Donc ici, Walmar Atu, donc il dit ensuite, Walmasu yakunu bil badi'i. بمقدم الرأس إلى يصل بيديه إلى القفا. Il doit commencer le masque, le sillage, c'est quoi? Il commence de là où les cheveux poussent. Ça va? Et il descend jusqu'à la nuque. Il descend jusqu'à la nuque. ثم يرجع بهما. Ensuite, il revient encore avec les deux mains إلى مقدم الرأس. Jusqu'à, yani, devant sa tête où il y a les cheveux qui poussent. Ça va? Kama warada fi zalika, comme cela est venu fil ahadith, dans les hadiths. Wal mar'a, mais la femme, kar rajuli fi mashi rasi, elle est comme l'homme dans le fait d'essuyer la tête. Wa idha kana laha zayl, le zayl c'est quoi? C'est-à-dire les cheveux qui descendent derrière. Si elle a des cheveux qui descendent derrière son dos. Ça va? Fala yajibu alayha an tamsa zaylaha. c'est pas obligatoire qu'elle essuie les cheveux qui descendent. Elle s'arrête seulement à la nuque. Ça va? Donc, voici l'essuyage. Ensuite, on essuie la tête avec les deux oreilles. Ma zunei. Avec les deux oreilles. Aïe, c'est-à-dire, yamsahma rafihi. Il essuie les deux oreilles avec sa tête. Sabata zalika an nabi sallallahu alayhi wa sallam. Cela est venu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme ça a été rapporté par l'imam Ahmad, l'imam Abu Dawood et autres, d'après le compagnon Ma'ali Karib. Wa yahtajju man yaqulu bi wujub al-mashh al-uznayn. Donc, il va revenir sur notre mas'ala, parce qu'il y a d'autres qui disent que essuyer les deux oreilles, c'est obligatoire. D'autres disent que ce n'est pas obligatoire. Non. Et ceux qui disent que c'est obligatoire, ils se basent, biqawli nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils se basent sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit al-uzunani min ar-ras. Les deux oreilles font partie de la tête. Wa huwa hadithun mukhtalafun fi. Mais c'est un hadith, eux-mêmes ils divergent. Est-ce que c'est authentique? Est-ce que c'est pas authentique? Wa mas'al uznayni, essuyer les deux oreilles, yakunu ma mas'hi zahirima wa batiniha. On essuie l'extérieur et l'intérieur. Kama saha, comme cela a été authentifié d'après Al-Miqdam ibn Malik Karim. Qui dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mas'aha bi ra'sihi, il a essuyé sa tête, wa uzunayhi, et ses deux oreilles, tawhirihima wa batinihima, l'extérieur et l'intérieur. Wa kayfiyatul mas', comment essuyer? Comment essuyer les deux oreilles? An tada'a ibham al-yad khalf al-uznayn. Le ibham, c'est ici. On appelle ça comment en français? Le pouce. Donc, tu mets le pouce derrière l'oreille. Ça va? On met le pouce derrière l'oreille. Ensuite, wasababa. Sababa, c'est ici. L'index. Et on met l'index fidakhili, à l'intérieur de l'oreille. Ça va? Watabda min al-asfal. Tu commences du bas avec le pouce. Ça va? Watartaki il al-ala, et tu montes. C'est-à-dire, tu commences derrière comme ça. Et puis, tu montes jusqu'au haut. Ça va? Ici, tu commences derrière. Et tu montes jusqu'au haut. Ça va? Donc, c'est ce que le cheikh il veut dire ici. Hal masru zinay wajib. On n'a pas oublié notre masala. Est-ce que essuyer les deux oreilles, c'est obligatoire? Comme l'obligation de l'essuyage de la tête ou non. Hasala fi hadha an-niza', il y a une divergence baina ahli al-'ilm, entre les savants. Wa sababu an-niza', la cause de la divergence, hal mas'u ba'd ar-ras yakfi am la? Est-ce que on essuie certaines parties de la tête ou pas? C'est là il y a le niza'. Parce que si on doit essuyer certaines parties, c'est que l'oreille n'est pas obligatoire. Mais si on doit essuyer toute la tête et que l'oreille en fait partie, c'est que c'est obligatoire. N'est-ce pas? Halil uznani min ar-ras amla. Est-ce que les deux oreilles font partie de la tête? Falladhi qala bihi bi anna massa ba'd ar-ras yakfi, ceux qui disent que essuyer une partie de la tête suffit, lam yakun bi wujub al-mas' al-uznayn. Ils disent pas que c'est obligatoire d'essuyer les deux oreilles. Wa kadhalika hadith uzunani min ar-ras. C'est ainsi aussi le hadith qui vient dire les deux oreilles font partie de la tête. Ay don kana sababan fi hadha al-khilaf. Ce hadith aussi a été une cause dans cette divergence. Wa rajih. Le cheikh Ali Ramli dit, mais ce qui est prépondérant, ce qui est la parole qui prend le dessus, d'afou. Le hadith est doif. وعدم وجوب المسح للأذنين et essuyer les deux oreilles n'est pas obligatoire parce que le hadith est doyen. طيب qu'Allah nous accorde la compréhension et qu'il nous facilite la mise en pratique. هذه مسائل شرعية. Ce sont les مسائل de la sharia. Et ceux qui se basent sur certains propos, soit ils se basent sur des hadiths qui sont doyifs, ou bien ils se basent aussi sur des hadiths dont la compréhension n'est pas claire. Est-ce que vous comprenez? Mais ici, le hadith qui vient à ce sujet, le Cheikh Ali Rambi n'est pas le seul à dire que ce hadith est doyif. Jam'un min ahli al-ilm. Est-ce que les deux oreilles font partie? Non. Lorsque Allah dit wamsakhu bi ru'usikum, si c'était une obligation, il allait dire ma'a uzunay. Il allait dire avec les deux oreilles. N'est-ce pas? Est-ce que Allah peut dire quelque chose et oublier une partie? Il n'oublie pas. Il a dit wa ma kana rabbuka nasiya. Allah n'oublie pas. Donc si Allah n'a pas mentionné les deux oreilles, c'est que ce n'est pas une obligation. C'est juste une sunna. Ça va? Parce que le hadith qui dit que les deux oreilles font partie de la tête, le hadith n'est pas authentique. Mafoum? Qawluhu. Et sa parole. Il dit, wayujzi umba masu ba'dihi. C'est permis ou il suffit de scier une partie de la tête. Donc ici, c'est la parole de l'imam Shawkani. Il dit, il suffit de scier une partie de la tête. Yaran mu'allif anna mas ba'd ar-ras mujzi. Il dit, l'auteur du livre, qui est l'imam Shawkani, il trouve que, il voit que scier une partie de la tête est suffisant. Lakin kama zakarna, comme nous avons mentionné, fa inna ulam yaridani nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, illa ma'al imama. Qu'il a essuyé une partie de sa tête qu'avec la imama. C'est-à-dire, ce qui est venu, et que c'est avec la imama seulement qu'il a essuyé une partie de la tête. Mafoum? Toyib. Hada al-ahwat, c'est ce qui est mieux. On essuie toute la tête. Lakin bima annahu warada an as-sahaba. Mais comme c'est venu des compagnons, jawaz al-iktifa, l'autorisation de se suffire de ba'dihi, de certaines parties de la tête, fanaqulu bihi. Nous on dit que c'est possible, on peut le faire. Fahum, car les compagnons sont man yubayyinu lana ma'na ma ja'a anillahi wa rasuli. C'est eux qui nous clarifient ce que le messager d'Allah, ce qui est venu d'Allah et de son messager. ثم قال رحمه الله والمسح على الإمامة essuyer sur الإمامة comme on appelle le tauban, hein, le tauban c'est qu'on attache sur la tête ou bien c'est comme on met sur la tête, ça va, tout ce qu'on met sur la tête. On a parmi les ulama d'autres qui font rentrer al-qalniswa dedans, tout ce qui couvre la tête. Al-Qalniswa, c'est quoi? Le bonnet. Ça va? D'autres font rentrer cela dedans. D'autres disent non. C'est ce qui est difficile de défaire. Ça va? Donc voilà pourquoi le maqsoud vient, on peut essuyer dessus. Pour ne pas qu'il y ait de difficultés. Comme le khimar de la femme. Ça va? Tayyib. Et c'est ce qui est sahih. Qalniswa, on peut soulever, on peut enlever pour essuyer. Ça va? Ça c'est plus facile. Donc ici, il dit yajuzu al-mas'h ala al-imama. Il dit c'est permis d'essuyer si la imama. Wal imama ma yulafu ala ra'si. Al-imama c'est ce qu'on enrôle. On enrôle sur la tête. Wa qad sabata 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu mas'aha 'ala al-imama. C'est venu de façon authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il a essuyé sur la imama, comme le hadith vient dans Al-Bukhari d'après Amr ibn Umayyah. Wa sahha anhu Et ça a été authentifié aussi des messagers d'Allah s.w.t. Nahu masaha ala nasibati. Ala nasiyati. Il a essuyé ici un nasiya. Nasiya c'est un muqaddam ras ala l'imama. C'est-à-dire quand tu portes l'imama, ici, là où les cheveux poussent, on appelle cela un nasiya. Il y a certaines personnes aussi, les cheveux poussent jusqu'au front. Ça va? Lorsqu'on dit manbitu shar, là où les cheveux poussent, c'est pas ici. Ça va? Il doit soulever cette partie pour commencer à partir de là, manbitu shar. Ça va? Donc ici, il dit summa yaghsilu rijlayhi ma'al kabain. Ensuite, il lave les deux pieds avec les deux chevilles. Ici d'abord, quel est le hukum d'essuyer sur la imama? Est-ce qu'il y a une condition? Comme le suya sur les chaussettes. Il faut forcément le porter en état d'impurité et il y a un délai pour cela. Donc pour la imama, il n'y a aucune condition qui est venue de façon authentique. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a essuyé. Tant que tu as imama sur ta tête, tu peux essuyer. La mara aussi, si elle a le khimar, c'est-à-dire, elle a porté un voile sur sa tête. Et qu'elle ne veut pas enlever, le voile aussi rentre dans hukmu al-imama, de la imama. Elle peut essuyer sans aucune condition. Elle essuie. Ça va? Donc, ghuslu rijlayn waridun fil aya. Laver les deux pieds vient dans le verset. Ça fait partie, c'est un plié parmi les pliés de l'ablution. Laver les deux pieds avec les deux chevilles. Pas se limiter aux chevilles. C'est laver avec les deux chevilles. C'est-à-dire les deux chevilles sont impliquées dans le lavage. C'est très important. Alors ça vient de façon authentique. عن النبي صلى الله عليه وسلم لمساجد الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو دي تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة لمساجد الله صلى الله عليه وسلم إلى resté derrière nous dans un voyage فأدركنا فَأَدْرَكَنَا Il nous a trouvé وَقَدْ أَرْحَقَنَا الْعَصْرِ Alors que la prière de l'Asr avait passé. C'était dur pour nous. فَيَعَلْنَا نَتَوَضَّى On a commencé à prendre les ablutions وَنَمْسَى عَلَى أَرْجُلِنَا Et on a commencé à essuyer nos pieds. فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِ Il a appelé en élevant la voix. Wailun, il dit malheur lil aqabi minan nar. Malheur lil aqabi pour les chevilles minan nar, du feu de l'enfer. Malheur aux chevilles. Marratan, marrataini, il a dit deux fois au salasa. Mutafaqan alayh, le hadith. Est unanimement reconnu authentique. Donc ici, lorsqu'il dit Wailu lil aqabi minan nar, est-ce que les aqab vont rentrer en enfer pour laisser la personne dehors? Hein? La abadan. C'est une menace contre l'enfer. Ça va? C'est une menace contre l'enfer. Wala aqib, le aqib, c'est quoi? Mu'akhirul qadam. Mu'akhir al-qadam. C'est-à-dire, c'est ce qui est derrière les pieds. Ici, c'est ce qu'on appelle le aqib. C'est-à-dire, ici, lève-toi, je vais montrer. Non, viens. Ici, là. C'est ce qu'on appelle le aqib. Ça va? Wal-ka'b. Mais le ka'b, al-azamani. Ce sont les deux os. Annatiani qui poussent, yani qui sont yani de l'extérieur inda mafsal al-saqi wal-qadam, lorsque yani au niveau de l'articulation entre le pied, c'est-à-dire le pied et la jambe. Vous voyez, c'est la partie là, ici. Voilà, c'est les deux os là. Vous voyez les deux os qui sont là, c'est ce qu'on appelle al-kab. Donc lorsqu'on veut laver les deux pieds, on lave avec al-kab. Avec al-kab. Donc c'est très important. Qu'Allah nous facilite la compréhension. والحديث يدل على وجوب غسل جميع الرأس. Le hadith montre l'obligation de laver tout le pied. جميع القدم, c'est-à-dire tout le pied. وما الدليل غسل الكعبين مع الرجلين. Quant à la preuve qui montre qu'on doit laver les deux chevilles avec les deux pieds, فحديث أبي هريرة سالحديث أبو هريرة قال نعيم نعيم دي رأيت أبا هريرة يتوضأ جبي أبو هريرة prend les ablutions فغسل وجهه il a lavé son visage فأصبغ الوضوء il a bien lavé ثم غسل يده اليمنى ensuite il a lavé sa main droite حتى أشرى في العدد jusqu'à ce qu'il a commencé à laver ici le bras. Ici, c'est l'avant-bras. Ici, c'est le bras. Ça va? C'est-à-dire, il a lavé l'avant-bras jusqu'au coude. Et il a lavé le coude jusqu'à ce qu'il voulait commencer même à laver le bras. C'est-à-dire, il a impliqué dans le lavage, quoi? Le coude. C'est très important. Le coude fait partie du lavage. Ma foi? Summa, ensuite, يده اليسرى sa main gauche jusqu'au bras ثم مسح رأسه ensuite il a essuyé sa tête ثم غسل رجله اليمنى il a lavé son pied droit حتى أشرى في الساق jusqu'à ce qu'il a commencé à laver la jambe. Ça va? Il a commencé à laver la jambe ثم غسل رجله اليسرى ensuite son pied gauche حتى أشرى في الساق jusqu'à ce qu'il a commencé à laver la jambe. ثم قال et ensuite il a dit هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. C'est ainsi que j'ai vu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم prendre les ablutions. قوله et ici maintenant sa parole, on a fini cette masala qui est le fait de laver les deux pieds jusqu'aux chevilles. Jusqu'aux chevilles, ça veut dire quoi? Les chevilles sont dedans, sont dans l'ablution. Qawluhu walahu al-mas. Il doit essuyer ala al-khufayni les deux khuf. Ça va? Le khuf c'est quoi? D'abord, هل يجوز المس على الخفين؟ هل يسمح بإسيوية لدي خف؟ والخف هو ما يلبس في الرجل. C'est ce qu'on porte dans les deux pieds. Levez-vous. Levez-vous pour m'écouter. C'est ce qu'on met dans les deux pieds من جلد comme des peaux raquiques qui sont très fines, des peaux qui sont pas lourdes. Ça va? C'est ce qu'on appelle al-khuf. Wa qad sabata 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu masaha ala khufay. C'est venu de façon authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il a essuyé sur les deux khuf. Wa sabit 'anhu annahu masaha 'ala al-khuf. Mais ce qui est venu de façon authentique, c'est qu'il a essuyé le dessus du khuf, c'est pas le bas. Ça va? Voilà pourquoi c'est venu de Ali ibn Abi Talib رضي الله تعالى عنه أنه قال كلا دي لو كان الدين بالرأي si la religion était je pense لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. C'est le bas du couf qui devait être essuyé que le haut. C'est le bas qui se salit. C'est le bas qui se salit. Donc comme la religion n'est pas, je pense, hein? Donc il a dit, voilà pourquoi il a dit, Walakin nani ra'aytu nabi. Mais j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam yamsahu ala dhahri al-khuf. Essuyer sur le dessus du khuf. Wa shartu al-masal al-khufayn. La condition pour essuyer les deux khuf. Nous disons les deux khuf, mais les jawarib, les chaussettes, ils rentrent dedans. Ça va? Les chaussettes. Ça va? Rentrent dedans. Même si une personne prend, par exemple, un pagne, et il décide d'enrouler ses pieds, jusqu'à ce qu'il ferme makan al-fard. Makan al-fard, c'est quoi? C'est la cheville. Et la cheville impliquée. Donc nous attirer l'attention sur cela, parce qu'on voit certains frères qui portent des chaussettes très courtes. Et ils essuient dessus. Ça va? La chaussette doit fermer les deux chevilles. Écoutez très bien cela. Hein? Mais quand ils portent une chaussette qui ferme les deux chevilles, on dit c'est pour les gaou. Les gens qui sont hier là, les chaussettes là, c'est, voilà, ça n'atteint pas. Parce que quand tu portes la chaussure, on ne doit pas voir. Mais celui qui porte chaussette jusqu'en haut ici, on dit, tiens, lui-là, il n'est pas à jour. Hein? La chaussette ou les chaussettes doivent fermer quoi? Les chevilles. Ça doit fermer les chevilles. C'est très important. Si ça ne ferme pas les chevilles, l'essuyage est bâtil. Est nul. Ça va? On ne suit pas les choses. Ma foi? Non. Donc la condition que la personne le porte à la tahara. Porte à la tahara. Il doit être pur lorsqu'il porte. Il doit être en ablution. Aïe wa anta mutawaddi. Tu le portes pendant que tu es en ablution. Wa dalilu zalika hadith al-mughira. La preuve de cela, c'est le hadith de Mughira. فإنه أراد أن يصب الماء على قدم النبي صلى الله عليه وسلم. Il a voulu verser de l'eau sur les deux pieds du prophète صلى الله عليه وسلم ليغسلهما, afin de laver. Pendant que le prophète صلى الله عليه وسلم avait porté des khufs. Ça va? فقال النبي صلى الله عليه وسلم, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم lui a dit, دعهما لس فإني car adkhaltuhuma, j'ai porté les deux khufs tahirataini, étant pur, étant en ablution. Famasaha alayhima, il a essuyé sur les deux. Le fait qu'il ait dit ici, j'ai porté les deux khufs en étant en ablution, cela montre que c'est une condition. Si on veut essuyer sur le khuf, c'est qu'on doit porter le khuf en étant en ablution. C'est très important. Donc ici, c'est très important de comprendre cela. Être en ablution et porter les deux khuf. Le sillage, c'est sur le jawarib, les deux khuf, et souvent sur les plates que les gens portent ou bien des bandeaux. Ça va? Tout ça, c'est permis. C'est-à-dire, même si tu as le plâtre sur un seul pied, tu prends l'ablution sur l'autre pied et tu essuies l'autre pied. Ça va? Si tu as aussi des bandeaux à rouler sur l'autre pied à cause d'une blessure, on avait ça bandeau, non? Hein? Sur le pied, donc tu essuies cette partie. Ça va? Tu essuies cette partie. C'est ce qui est arrivé à des compagnons. Qu'Allah les agrée. Lorsqu'ils étaient en voyage, comme cela vient dans Al-Bukhari, ils étaient en voyage et il y a l'un d'entre eux qui a été blessé de la tête. Sa tête, quelque chose est tombé sur sa tête et s'est blessé. Ça avait même fait sortir un trou. Donc, il a dormi et il a fait le ihtilam. Ihtilam, c'est quoi? C'est rêve érotique. C'est-à-dire, il a rêvé, et puis il a fait inzal, il a éjaculé. Et il a demandé aux autres compagnons, هل تجدون لي رخصة؟ Est-ce que j'ai une autorisation في التيمم, de faire le tayammum? Est-ce que j'ai une autorisation de cela? Les autres compagnons disent, لا ما نجد لك رخصة. On ne trouve pas d'excuse pour toi. Lave-toi. فاغتسل, il s'est lavé, l'eau est rentrée dans sa tête, famat, et il est mort. Lorsqu'ils sont arrivés au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils ont expliqué l'affaire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était énervé, il dit qatalou, ils l'ont tué. Qatalahum Allah, qu'Allah les tue. Hein? Pourquoi? Lam yas'alou, ils n'ont pas posé la question, ils lam ya'alamou, lorsqu'ils ne savaient pas. Fa innama shifa'ul 'ayyi as-su'al. Il dit, le remède de l'ignorance, c'est quoi? Poser des questions. Ça vient dans d'autres riwayas qui sont daïfs, mais les savants expliquent que il lui suffisait d'enrouler la tête et de faire le sillage dessus. De se laver, enrouler la tête et faire le sillage. Donc ici, ad-din yusr, la religion est facilité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc le sillage, c'est pour les chaussettes, les khoufs, comme on appelle les khifaf aussi. Et puis, il y a les plates et les bandeaux qu'on enroule sur le pied. Parce que d'autres posent la question, si j'ai un bandeau, est-ce que je dois? Tu ne fais pas de tayammum. Tu prends les ablutions. Normalement, arrivé sur le pied, tu es sûr. Ça va? Donc ici, quel est le zaman? Le temps dans lequel on peut porter le khouf. Wa idha kana muqiman, si la personne est résident, c'est-à-dire n'est pas en voyage, falaka an tamsa alayhima yawman wa layla, un jour et une nuit. Wa lil musafir, mais pour le voyageur, thalathata ayyamin wa layalihinna, 3 jours et 3 nuits, c'est-à-dire 3 jours. Parce que eux, chez eux, 3 jours et 3 nuits, c'est-à-dire une journée. Et une nuit, ça fait 24 heures. Ça va? Donc chez nous, ici, nous, on peut dire 72 heures, 3 jours. Ça va? Toyib, Surah Ibn Hani, il dit, j'ai posé la question à Aïcha. Regarde ici, il y a une éducation pour nous tous ici, dans ce hadith. Il dit, j'ai posé la question à Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, au sujet de l'essuyage sur les khufayni, les deux khuf. Faqalat sal aliyan. Elle pose la question à Ali. Fahoua, a'lamu minni. Il est plus savant que sur moi, que moi dans ce sujet-là. Hua kena. Elle ajoute, elle dit, kena yusafir. Il voyageait. Ma Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il voyageait avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il connaissait les situations dans le voyage. Pourtant, Aïcha, elle connaît que les situations à la maison. Hein? Toyib. Donc, il dit, je suis allé face à Ali Yann. J'ai posé la question à Ali. Faqala, Ali a dit, lil muqimi yawm wa layla. Pour celui qui est résident, qui n'est pas en voyage, c'est un jour et une nuit, wa lil musafir thalathatu ayyamin wa layalihinna, 3 jours et 3 nuits, c'est-à-dire 3 jours. Donc Ali a dit cela. Mais ici le cheikh n'a pas mentionné yani à quel moment on commence à compter l'essuyage. C'est à quel moment? C'est au moment où tu l'as porté ou bien c'est à ton premier essuyage. Wa sahi, c'est ta première essuyage. C'est-à-dire, si tu le portes, tu as pris les ablutions, tu as porté le khouf ou bien les chaussettes actuellement. Tout à l'heure. Tu n'as pas pris ablution. C'est-à-dire, je prends l'exemple, tu as porté afajr. Parce que ça, c'est le moment probable pour qu'un homme porte parce qu'il a sorti. Tu as porté à Fajr et que tu n'as pas prié l'ablution, à Zor, tu n'as pas essuyé. À Asr, tu n'as pas essuyé. À Maghrib, tu n'as pas essuyé. À Isha, maintenant tu as essuyé. Tu commences maintenant à compter à partir de Isha jusqu'à demain Isha. Ça va? On commence à compter à partir de la première essuyage. Ça va? Tayyib. Qawluhu, la parole du Cheikh Shawkani. Il dit wala yakunu wudu'u shar'iyyan illa bin niyyat al-istibahati as-salah. Il dit l'ablution n'est correcte qu'avec l'intention de prier. C'est-à-dire l'intention de autoriser la prière. Puisque la prière interdit sans les ablutions. Donc, tu dois avoir l'intention de prier. Aïe, c'est-à-dire la Bouddha minaniya, que yakunu wudu sahihan. L'intention doit être présente pour que l'ablution soit correcte. Fa niyatu shartun fi sihhatil wudu. L'intention est une condition dans le caractère parfait de l'ablution. Le qawl an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Les actions sont basées sur les intentions et chacun aura ce qu'il a comme récompense, ce qu'il a pris comme intention. Wal wudu ibada. La ablution est une adoration. Yuqsadu biha al-qurbatu ila Allah. On prend l'ablution dans le but de se rapprocher d'Allah. Wa laysat faqat wasila, ce n'est pas un moyen. Bal yuqsadu biha aidan at-taqarrub ila Allah. On a pour but, lorsqu'on prend la vision, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَتُشْتَرَتُ لَهَنِيَّةِ. Donc, l'intention est conditionnée. Donc ici, l'intention, ici c'est quoi? Quand tu viens, tu prends l'intention des ablutions, pour pouvoir prendre les ablutions, qu'est-ce que tu dois faire avec? C'est pour prier avec, n'est-ce pas? Hein? Voyez. Dans ce moment, c'est ce qu'on appelle l'intention. Que d'autres ne comprennent pas que il faut forcément prendre dans ton cœur que dès que je prends l'ablution, je dois aller prier. Tu prends l'intention de l'ablution. Parce que quelqu'un peut venir laver son pied, ses deux mains, mais il n'a pas eu l'intention de l'ablution. Est-ce que vous comprenez? Il a juste venu laver ses deux pieds, ses deux mains, mais c'est pas venu dans sa tête qu'il doit prendre les ablutions. Ça va? Donc c'est l'intention de l'ablution qui est demandée. Afin que cette chouba-là puisse être dégagée. Pour ne pas qu'on comprenne ici que il faut forcément, c'est-à-dire lorsque tu viens prendre l'ablution, mettre dans ton cœur que c'est pour prier forcément. On prend les ablutions même souvent pour ne pas prier. Comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé d'être toujours en état de pureté. Pour celui qui est croyant. Donc, tu prends les ablutions, il faut avoir l'intention de l'ablution. C'est ce qui t'est demandé. Ça va? Toi. Amma tartib. Quant à au tartib, qui est quoi? Là, il y a une disposition. Hein? Le fait d'aligner, je dirais le fait de, il y a une ranger. Tu commences par le visage, les deux mains, hein? Fasohi, ce qui est correct, anna urukun min arkan wudu aidon. C'est un plié parmi les pliés de l'ablution. Et anna Allah tabaraka wa ta'ala zakara al-wudu murattaban. Parce qu'il a mentionné l'ablution en ordre. Non, c'est ce que je cherchais, l'ordre. Ça va? Donc, wa adkhala al-mamsur fi dhimn al-maghsul. Et il a mis le sillage entre le lavage. Sinon, il pouvait mettre l'essuyage à la fin. Comme par exemple, quand il dit, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Pourquoi il n'a pas dit, waghsilu arjulakum? Il n'a pas dit de laver directement. Il dit, wamsahu bi ruusikum. Car, quand on finit de laver le visage et les deux mains, on doit faire quoi? Essuyer la tête. Donc il envoie le sillage au milieu avant de venir avec les deux pieds. Donc ici, il a fait cela muhafazatan ala tartib, c'est pour préserver l'ordre. Wa kadhalika lam yasi an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu tawadda ila murattaban. Ce n'est pas venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il a pris les ablutions de façon désordonnée. Il a pris en ordre les ablutions. Ça va? Wal muwalat. Al muwalat, c'est quoi? La continuité. La continuation aussi, comme on peut le dire. Falaysa ruknun ala sahih. Ce n'est pas un prier de façon authentique. Lianna sabata an as-sahaba tarku al-muwalat. Car c'est venu des compagnons qui ont délaissé la continuation. Wa nahni bil muwalat, on veut dire par la continuation, ghusl al-a'da wara ba'daha, laver les membres après l'autre, duna muddati zamaniyya baynahuma, sans un délai entre eux. Ça va? C'est-à-dire une personne qui vient, il prend les ablutions, il lave la main, et puis il prend un temps. Avant de laver le pied, il y a certains savants qui disent que ça annule les ablutions. Ça annule les ablutions. S'il a pris un temps, surtout d'autres disent si sa main, l'autre main a séché, avant qu'il ne lave l'autre main, ça annule les ablutions. Mais là, comme je vous ai dit ici, nous n'attendons pas l'adillah. On se base sur les preuves. Est-ce que c'est venu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que celui qui délaisse ce côté, son ablution est nulle? Ça va? Il n'y a pas de dalil. Ça va? Mais il y a une preuve qui montre que قَطْعُ النِّيَّ فِي الْعِبَادَةِ فَاسِدٌ لِلْعِبَادَةِ. Couper l'intention dans une adoration détruit l'adoration. C'est-à-dire, si tu as pris l'intention de prendre les ablutions, et puis après, tu décides de dire, bon, j'arrête mes ablutions ici, je vais aller faire quelque chose, et puis je reviens prendre les ablutions. Et dès que tu as eu l'intention d'arrêter, tu t'es retrouvé devant la porte. Après, tu as réfléchi, tu dis, bon, je vais venir continuer les ablutions. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues là où tu as commencé ou bien tu reprends? Hein? Tu reprends totalement la vision parce que tu as interrompu l'intention. Innamal a'malu binniyat. C'est très important. Celui qui décide de jeûner, le jeûne, comme a dit Cheikh Ousseymine dans Charu Mumte, il a très bien expliqué cette masala. Il dit celui qui décide de jeûner, il a pris l'intention de jeûner, n'est-ce pas? Et il agit jeûne, il jeûne. Pendant la journée, il prend l'intention de rompre son jeûne. Parce qu'on l'a invité à manger. Hein? Il a pris l'intention de rompre depuis la maison. Pourtant, il n'a pas vu ce qu'il y a là-bas d'abord. Il arrive, la nourriture qu'il voit là ne lui plaît pas. Donc, il décide de recontinuer. Celui-là, son jeûne est battu. Donc faites attention, si on vous invite là, ne coupez pas l'intention d'abord. Hein? Allez-y voir d'abord ce qu'il y a là-bas. Hein? Donc le Cheikh Ousseymine explique cette masala en détail dans le genre de Zad al-Mustaqna. Il explique cela bien. Et beaucoup d'entre les savants, même Cheikh Ibn Baz, Rahimahullah, Tibériya dans sa Majmoul Fatawa, dans Bab al-Wudu, il explique bien aussi Mufsidat al-Wudu. Il y a un bas spécial pour cela. Il explique bien aussi cette masala. C'est-à-dire celui qui veut faire une adoration qui coupe avec l'intention, l'adoration interrompue. Parce que l'intention qu'il a pris, namal amalu, beniyat. Ça va? Mais quant au mu'alat, il n'y a pas de dalil tel que le mu'alat. Mais la majorité d'entre eux disent, il ne faudrait pas que le mu'alat, c'est-à-dire interrompre, soit vraiment un zaman trop long. Sinon les wasawis peuvent rentrer. Et que la personne ne sait plus où il a commencé, comment il a fait, ça va? Tout cela, quand ça peut arriver. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et qu'il nous facilite la mise en pratique. C'est aussi très important pour souligner un sujet concernant ceux qui prennent les ablutions. Et souvent, il y a des wasaouis qui viennent, est-ce qu'il a lavé ici, est-ce qu'il n'a pas lavé ici, est-ce qu'il a fait ceci, il a fait ceci. Alors ici, un doute n'annule pas une adoration. Retenez bien cela. Là, yuhtul al-ibada, on n'annule pas une adoration à cause d'un doute. Continue. Famdi. Ça va? Continue. Hein? Si tu doutes, est-ce que j'ai lavé, j'ai pas lavé? Khalas, tu continues. C'est comme celui qui est dans la prière. Il sent qu'il y a une boule de vent qui est sortie. Qu'est-ce que Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam a dit à ce sujet-là? Il doute. Là, il y a un sarif. Il délaisse pas son adoration. Hatta. Jusqu'à ce que Yasmaou Sautan, il entend un bruit, Wayajidu Rihan, et il sent une odeur. En ce moment, c'est une certitude. S'il entendait un bruit, Dieu, personne ne va te dire ça, toi-même tu as sorti dans le rang. N'est-ce pas? Donc c'est ainsi. On n'annule pas une adoration à cause d'un doute. Si vous doutez, c'est des wasawis de Shaitan. Ne sois pas comme celui qui est venu voir le Sheikh. Il dit au Sheikh, que ça fait 50 fois que j'ai pris les ablutions. Mais là, je doute encore si mon ablution est correcte. 50 fois. Il prend, il revient. Il prend, il revient. Il prend, il revient. 50 fois. Subhanallah. Le chef lui répond avec une réponse Jamil. Il lui dit que la prière n'est pas obligatoire pour toi. Et il dit comment? Le chef dit à Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, dit Rufi al-Qalam. En salas. La plume est levée sur trois personnes. Parmi ces trois personnes, il y a Al-Majnoun, il y a le fou. Jusqu'à ce qu'il gagne la raison. Qu'Allah nous préserve et qu'il nous guise enfin sur le droit chemin. Donc c'est très important. Les wasawis fatiguent beaucoup de personnes. Là, tel fit où il a le wasawis. Hein? Même souvent, il arrive que tu sentes que l'urine ne s'est pas arrêtée. Hein? Tu sens que ça ne s'est pas arrêté. Donc, la sunna, c'est d'asperger. Asperger, hein? Pour couper le wasawi, tu prends un peu d'eau, tu mets là-bas. Tu coupes le wasawi, ici, à l'eau, là. Les wasawi sont plus que fatigués. Coupe tous les moyens qui peuvent te couper le wasawi. Ça va? Les inspirations du shaitan. Car lui, il est là seulement que pour te déranger. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Et qui nous facilite la mise en pratique. Dans le daf prochain, Inch'Allah, nous allons, bi'iznillah, commencer sur le nombre de fois qui est, soit c'est le taslis, est-ce qu'on doit laver les membres trois fois, deux fois, une fois, une fois. Donc on va revenir dessus, bi'iznillah, la semaine prochaine. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Et je termine par donner des conseils à ceux qui ne sont pas concentrés. Vous savez, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala d'être dans un majlis solaïn, dans une assise de science. Dans cette assise de science, les anges vous entourent. Allah se vante de ceux qui sont dans cette mosquée, dans cet endroit. Il arrive que d'autres personnes se couchent, ils se désintéressent, ils n'écoutent pas. Les salafs n'étaient pas comme ça. Eux, ils étaient concentrés. Voilà pourquoi celui qui ne se concentre pas, qui n'écoute pas la science, et qui ne se concentre pas, là, il est facile. Il ne va pas obtenir. Il va venir seulement juste écouter. Et aussi, prenez note. Hein? Prenez note. Surtout vous qui êtes des étudiants en science. Il y a des massages, vous pouvez prendre note. Et après, si vous n'avez pas compris, vous me posez la question. Mais si ceux qui sont assis, bon par exemple les enfants, je peux peut-être comprendre qu'ils n'ont pas compris, mais c'est deux qui sont assis là-bas là. Hein? Les deux là. Ce sont mes petits, on se connaît. Mais il faut qu'on dise ça devant les gens pour qu'ils comprennent. J'étais couché tout à l'heure. Allah nous préserve et qu'il nous guise enfin sur le droit chemin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.